vie se ressemble et que sans s'y se plie à toutes nos envies. Et un jour après l'autre, et un jour puis l'autre, on ne fait que passer des heures à rêver. On ne fait que passer dans ce monde insensé. Et même si on pleure quand le film est fini, et même si on rit alors qu'on a peur, des jours à attendre, tant de choses à comprendre. Et un jour après l'autre, et un jour puis l'autre, on ne fait que passer des heures à rêver. On ne fait que passer dans ce monde insensé. Hey. L'existence qui se plie à toutes nos envies, des jours à attendre, tant de choses à comprendre. On n'oublie jamais la toute première fille. On peut se passer de celles qui font chier. On ne fait que passer des heures à rêver. On ne fait que passer dans ce monde insensé. Hey. Et un jour après l'autre, les matins se succèdent. Et un jour après l'autre, les nuits se ressemblent. L'existence qui se plie à toutes nos envies. Et un jour après l'autre, et un jour puis l'autre, on fait que passer des heures à rêver. On fait que passer dans ce monde insensé. Hey. Hey. Et un jour après l'autre, nous ne faisons que passer dans ce monde insensé.